17-17, activation orale et écrite, identification et description. Écoutez les questions, puis complétez les réponses suivantes en employant « c'est un » ou « c'est une » ou bien « il est » ou « elle est ». 1. Qui est-ce ce monsieur? 2. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? 3. Est-ce qu'il est marié? 4. Et la dame avec lui, qui c'est? 5. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille? 6. Est-ce qu'elle est mariée?